Vous l'avez demandé et nous avons écouté. Les prix employés Ford sont de retour. Vous payez ce qu'un employé de Ford Canada paie sur la plupart des nouveaux modèles Ford 2020, la marque automobile la plus vendue au pays. Faites l'expérience de technologies innovatrices et d'un style accrocheur sur les plus récents véhicules 2020 à un prix que vous voudrez partager à tous vos amis. C'est le temps des prix employés Ford. Visitez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien, Robertval et Chibougamau et profitez de ses offres exceptionnelles. Jean-Dumas Multiconcessionnaire. Salut Marc. Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marc, si on parlait un peu, avant de parler de cette année spéciale, qui va être très très spéciale, pour revenir sur l'an dernier. Donc, j'imagine que du côté des SAGs, finalement, cette année très, très, très frustrante, on passe maintenant par-dessus et on regarde en avant. Oui, bien, comme athlète, comme dirigeant, on est appelé à tourner la page rapidement. C'est clair qu'il y a eu un choc au niveau des émotions à encaisser, mais en même temps, comme notre plan ne s'échelonnait pas sur une seule saison, qu'on n'avait pas mis tous nos œufs dans le même panier, on savait qu'on pouvait avoir une équipe compétitive encore dans la prochaine saison. Alors, c'est clair que ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour nos partisans, les partisans d'une région qui étaient derrière l'équipe, le centre Georges Vézina qui était plein à craquer. Triste pour nos joueurs de 20 ans qui terminent leur carrière et pour nos joueurs de 19 ans qui vont s'en aller dans les rangs professionnels. Mais en même temps, tourner vers l'avenir en espérant que la saison 2020-2021 ait un sens de normalité. Vous avez payé quand même des joueurs importants. Vous avez fait des transactions importantes pour aller chercher Raphaël Lavoie, Dawson Mercer également. Du côté des, entre autres, du côté des SAGs. Donc, certainement, est-ce que ça devient frustrant que, d'avoir payé quand même assez cher pour Raphaël Lavoie et pas avoir la chance de profiter pleinement de lui? Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il revienne? Je sais qu'il est parti pour la Suède, mais est-ce qu'il y aurait des possibilités qu'il revienne en même temps? Non, dans le cas de Raphaël Lavoie, il a parfait une entente avec un club professionnel à Rogla en Suède. On ne le reverra pas dans l'uniforme des Saguenayens. Et tu sais, Danny, tu parles de frustration, mais tout est relatif. Tu sais, en même temps, on peut se dire que un des bons joueurs des récentes années, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a terminé sa carrière junior dans l'uniforme des Sags, et c'est un sentiment de fierté. Parce qu'évidemment, on est comme tout le monde, on veut gagner des championnats, on veut gagner des Coupes du Président, on veut gagner la Coupe Memorial éventuellement le plus tôt possible. Mais en même temps, le but numéro un d'une équipe junior est de rassembler de bons joueurs, de bons citoyens, et on avait un groupe très uni. Alors nous, on s'accroche du moins à ce sentiment-là, parce que pour le reste, on n'aura jamais la finalité désirée avec tout ce qui s'est passé dans cette pandémie mondiale. Ben oui, c'est sûr. Marc, l'année va passer quoi? Va passer sur Hendrix Lapierre, qui revient finalement. Ça doit quand même être un certain soulagement que du côté d'Hendrix Lapierre, on a finalement trouvé son bobo. Oui, absolument. Écoute, Danny, après tout près de 10 mois d'inactivité, c'est un retour au jeu en santé pour Hendrix Lapierre. Depuis le début du camp d'entraînement, il survole la glace du centre Georges Vézina. On aura la chance de le voir dans des matchs blanc contre bleu. On aura la chance certainement de le voir jeudi soir aussi dans un premier match pré-saison. Bref, dans le cas d'Hendrix Lapierre, de le revoir en santé, c'est ce qui comptait. Il a eu le temps de s'entraîner, il a eu le temps d'avoir des entrevues avec les équipes de la Ligue nationale de hockey. Et maintenant, on est peut-être à un peu plus d'un mois du repêchage de la Ligue nationale de hockey où il espère entendre son nom nommé très tôt, mais surtout une perspective d'une grosse saison dans l'uniforme des Saguenay-Chicoutimi. C'est vrai pour Hendrix Lapierre, c'est vrai pour Dawson Mercer également, et c'est vrai pour les joueurs qui vont compléter leur carrière, je pense entre autres à Carl Boudria, Samuel Hood et Alexis Schenk. OK. Justement, si on parlait un peu des Sags défensivement, est-ce qu'il y a peut-être un trou au niveau du 5e, 6e défenseur? C'est peut-être le problème? Je sais pas si ça va être un problème, mais il y a des jeunes qui vont pouvoir se battre pour ces postes-là, parce que le top 4 sera essentiellement composé de Niatchev, Crevier, Boudria, Pellerin sera de retour également. Alors, on peut penser que des jeunes comme Rafano Menzensoa et des jeunes qui sont au camp en ce moment pourront se battre pour du temps de jeu à la 5e, 6e et voire le 7e poste de défenseur aussi. Il est trop tôt pour parler d'un trou pour l'instant. Est-ce qu'on aura besoin de plus de profondeur? On va surveiller, on va être actif sur les marchés. Mais en même temps, on est très content de la nouvelle cohorte qui s'amène et on leur donnera une chance de se faire valoir pour l'instant parce qu'on est très, mais alors là, très content de notre top 4 en amorçant la saison. OK. Est-ce que ça vaut la peine de là, tu as parlé d'une équipe très compétitive encore cette année. Ça vaut-tu la peine d'arriver au fight puis de dépenser en fou quand tu sais pas si tu vas avoir des spectateurs? sais, tu vois ma question? Cette année, c'est la question. Ouais, tu comprends ma question? Oui, c'est la question que Yannick, que moi, que Daniel Demers, que Rénal Neptune, on se couche en y pensant. Est-ce que ça vaut véritablement la peine? En même temps, connaissant les partisans, nos partisans, connaissant la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fière ou d'en faire partie de la relance, on serait un peu naïf de penser qu'on peut tout simplement tourner la page. L'autre chose, c'est combien d'équipes seront vraiment dans la course? On sait que Val-d'Or a été très acheteur au dernier repêchage, mais pour le reste, il n'y a pas beaucoup d'équipes là, pour l'instant. Il faut avoir la pleine valeur des joueurs dans ce temps-là lorsqu'on choisit de ne pas y aller. En même temps, la performance de l'équipe dans une première, bon, appelons ça une demi-saison parce que le calendrier officiel n'est pas encore publié, mais appelons ça dans la première moitié de saison, la performance de l'équipe va dicter où on va se situer. On remporte plusieurs matchs avec notre équipe complète et on sera convaincu qu'on a une équipe pour y aller. On manque des joueurs qui partent dans les camps professionnels, dans les championnats mondiaux juniors, on a de la difficulté à performer et la réponse va venir d'elle-même aussi. Alors, sans parler de patience à tout prix, il faut au moins laisser les événements se dérouler dans les prochaines semaines, les prochains mois, développer cette équipe-là, compter sur nos jeunes pour leur faire de la place et voir comment nos vétérans vont amener cette équipe-là au niveau des performances, victoires, défaites. Dans une saison, on va se le dire, là, va être hors norme alors qu'on va jouer seulement contre 5 autres équipes. Ouais, c'est vraiment spécial. Là. C'est très, très, très spécial. Dis-moi maintenant, si on parlait un peu du côté finance, ça te fait-tu peur, là, fin que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de spectateurs, puis les billets des Saguenayens ou encore, c'est les principaux, la principale source de revenus de votre équipe, parce que financièrement, quand tu vois ça, est-ce que en tant que dirigeant des Sags, comment tu deals avec ça? Dans un temps de pandémie, de coronavirus, c'est clair que c'est inquiétant le côté financier pour un peu tout le monde. En même temps, si tout le monde a accepté de reprendre la saison à huis clos, c'est qu'il va y avoir un engagement gouvernemental. Tu sais, je suis pas en train de te donner un scoop. À quelle hauteur est-ce que ce sera? Est-ce que ça épongera entièrement les pertes? Non. Est-ce que ça va en éponger une partie suffisante pour dire que les équipes en santé de la Ligue de hockey junior du Québec sont confortables? Je pense que tu as ta réponse. Maintenant, reste à voir comment ça va s'officialiser. Ça, c'est un peu hors de notre contrôle. Il reste à voir aussi si on va jouer la saison au grand complet à huis clos ou si les spectateurs seront éventuellement admis, ce qui serait un bonus, là, on va s'entendre. Alors, c'est clair qu'il y a toujours une inquiétude. On veut traiter aussi avec beaucoup de respect nos partisans, mais également nos commanditaires et nos partenaires depuis plusieurs années pour qui peut-être que la période est plus difficile. Alors, peut-être que cette aide gouvernementale-là et le fait de jouer sous cette formule-là va aider nos partenaires à attendre une année peut-être et de continuer de nous supporter parce que cette relation-là, elle est très importante pour nos partenaires et pour nous, les Saguenayens de Chicoutimi. OK. Marc, écoute, je peux pas te laisser sans parler du Canadien un peu. Transaction aujourd'hui, Jake Allen est arrivé. Ça m'a surpris. Ça me surprend pas qu'il ait cherché un numéro 2, puis ça me surprend pas de Jake Allen. Ça me surprend que ça s'est fait très vite de même. Choix de troisième cette saison. J'ai une très bonne transaction de Marc Bergevin, compte tenu que écoute, là, ils ont plusieurs choix repêchage, puis le Canadien ne pourra pas les signer. Je pense que c'est 50 qui peuvent signer. C'est 50 joueurs, je pense, qui peuvent signer. Hein? Fait que c'est sûr qu'ils pourront. Ils ne pouvaient pas les signer. Donc, il y avait beaucoup trop de choix repêchage. Le seul boss là-dessus, c'est 15 millions pour les deux gardiens de but. C'est juste ça, le seul. Comment tu trouves ça? Hein? À court terme, tu as amplement raison. Sauf que Jake Allen n'a qu'une année de contrat. Ouais. Et le Canadien n'aura pas de problème financier alors que les gros contrats à négocier pour Marc Bergevin viennent à échéance dans un an. On parle des Dano, Lekkonen, Armia et autres. Alors, dans ce sens-là, c'est une bonne décision. Lorsqu'on sait qu'on a un problème, que ce soit à coût de 10, 15, 20 ou 25 millions, il faut le régler. Et c'est ce que le Canadien a tenté de faire. Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse aussitôt. Je suis content de voir Jake Allen. Et pour l'analyse du jeu de Jake Allen, si tu me permets, c'est un gardien de but numéro 1, où je vais recommencer, c'est un gardien de but auxiliaire à 920, qui est devenu gardien de but numéro 1 à 915, 906, 905, avant de retrouver 927 alors qu'il était auxiliaire. Donc son rôle semble clair et déterminé maintenant dans la Ligue nationale de hockey. On espère qu'à 30 ans, il accepte ce rôle-là et qu'il soit en mesure de seconder Carey Price, ce que je pense qu'il sera en mesure de faire. C'est une bonne transaction. Puis tu fais bien de le mentionner, que Marc Bergevin avait les mains pleines. Il va parler 5 fois au prochain repêchage avant que les Blues ne sélectionnent avec le choix que le Canadien vient de leur donner en échange de Jake Allen. Alors, le Canadien est en position avantageuse pour effectuer cette transition. C'est à peu près comme Yaroslav Halak, tiens. À peu près comparable. Il va faire le même rôle qu'Halak fait à Boston. Honnêtement, je pense que c'est ce que le Canadien espère. Ils sont allés chercher quelqu'un qui est quoi, 6 ans plus jeune que Yaroslav Halak, 6-7 ans plus jeune qu'Halak. On espère qu'il va être en mesure de faire ce genre de boulot-là. Puis on n'espère pas avoir non plus à se tourner aussi souvent que certaines équipes vers l'auxiliaire, parce que Carey Price a réussi à rester en santé, puis son niveau de jeu des séries éliminatoires nous a montré un gardien de but là, qui est encore capable de performer. Alors, c'est ce que le Canadien espère, mais c'est une bonne transaction. Évidemment, qu'il remporte 10 de ses 15 premiers départs, on nous fera dire que c'était une excellente transaction, mais ça, on va le voir et on va attendre là, chaque chose en son temps. OK. Marc, très intéressant. On se reparle un autre tantôt. Merci beaucoup, Danny. Notre ami Marc Denis.